Bienvenue à vous tous à l'édition de la mi-journée de ce lundi. Voici les principaux titres. Une conférence de presse organisée par les associations Parsem et Olicom sur la mesure limitant l'espace de circulation des motos, tuk-tuk et des vélos a été interrompue la 20 midi de ce lundi par la police nationale burundaise. Vous l'entendrez dans ce journal. Le coût estimatif pour la mise en œuvre du plan communal de développement communautaire, PCDC, troisième génération 2020-2025, est d'une enveloppe de 48 milliards de francs burundais. Et pour la réussite de ce plan, il est prévu l'appui des confessions religieuses et organisations non gouvernementales et grandes communes Mukaza, selon le document de ce plan. Et en province commune Bururi, le chef de la zone Ebambat a été destitué de ses fonctions par le cabinet du gouverneur de la province Bururi. Le détournement des taxes communales est l'une de causes de son limogeage. Elika Doga sur la mise en onde et la présentation. Vous êtes avec Ornella Mucho. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Page Société pour débuter ce journal. La police nationale burundaise a interrompu ce lundi la conférence de presse conjointe des associations Parsem et Olicom. Cela étant, les responsables de ces associations de la société civile ont indiqué lors de cette conférence de presse qui était déjà en cours qu'ils n'avaient aucune intention de torpiller la mesure du gouvernement de délimiter la zone de travail des taxis-vélos, taxis-motos et tuk-tuk dans le futur proche. Le détail avec Évariste Dikobanyanga. Au cours de cette conférence de presse, Faustin Dikoumana, directeur national de Parsem, a indiqué dans la locution introduisant cette conférence conjointe que ceux qui avaient investi dans les taxis, vélos, taxis, motos et tuk-tuk vont enregistrer un manque à gagner de 50 milliards. Le président de l'Olicom, Gabriel Roussiri, avant de lancer un appel au gouvernement sur la mesure délimitant la nouvelle zone de transport aux taxis, vélos, taxis, motos et tuk-tuk, a expliqué que les deux organisations ne viennent pas torpiller la mesure du gouvernement. Après quelques minutes, la police a fait irruption dans la salle de conférence et a interrompu cette conférence de presse. Les organisations de la société civile, Olicom et Parsem, tenaient cette conférence de presse au moment où le gouvernement, par le biais de son ministre en charge de la sécurité publique, a déjà indiqué que la mesure délimitant la nouvelle zone de transport pour les taxis vélos, taxis motos et tuk-tuk est définitive. Merci Évariste Ndikoanyanga pour ces détails. Toujours page Société, le cabinet du gouverneur de la province Bururi a suspendu de ses fonctions la fin de la semaine écoulée le chef de la zone Ebamba de la commune Bururi. Le détournement des taxes communales et les amendes qu'il a infligées illégalement à la population ainsi que le népotisme sont parmi les principales causes de son limogeage. Selon le cabinet du gouverneur de cette province, c'est le quatrième chef de zone qui vient d'être destitué de ses fonctions dans la province Bururi depuis le mois de janvier de cette année. Le point avec Zeno Zambimana. Levi Ndayifukamiye, chef de la zone Ebamba de la commune et province de Bururi, a été destitué de ses fonctions ce vendredi 11 mars 2022 par le cabinet du gouverneur de la province de Bururi. Juvan Daikeza, chef de son cabinet, fait savoir que Levi Ndayifukamiye, qui a été suspendu, était accusé de s'arroger le droit de percevoir des taxes communales sans quittance, ce qui risquait de compromettre les finances communales. Les amendes qu'il infligeait illégalement contre certains de la population de la zone Ebamba et le népotisme qui risque de rompre la cohésion sociale dans cette zone sont aussi les principales causes de son limogeage, selon toujours Juvan Daikeza. Levi Ndayifukamiye est le quatrième chef de zone qui vient d'être suspendu dans la province de Bururi depuis le début de cette année, après ceux de Kajondi, Muzenga et Muweza de la commune de Rutovu, limogé le 7 janvier de cette année par le cabinet du gouverneur de la province de Bururi sur une proposition du conseil communal de Rutovu. Le premier était accusé de pratiquer le concubinage et les deux autres étaient accusés d'insubordination jusqu'à handicaper la mise en application de la loi portant stabilisation permanente, selon le cabinet du gouverneur de la province de Bururi. Juvan Daikeza, chef de ce cabinet, appelle les autorités administratives à éviter toutes sortes de détournements, à être toujours au service de la population et à contribuer dans la mise en application des projets et programmes du gouvernement. Depuis Bururi, Zenon Zamimana pour la radio Isanganiro. Page sécurité à présent, une femme a été tuée et égorgée la nuit de ce dimanche à lundi sur la colline Bulamata au village 1 de la commune Gihanga dans la province d'Obubanza. Les voisins, certains membres de cette famille ont constaté ce lundi matin que l'enfant pleurait seul dans la maison et ont essayé d'entrer. Ils ont constaté que la mère de l'enfant était déjà morte. C'est juste après qu'on a appris que le mari de la victime s'est remis à la police au commissariat provincial de Bubanda. Trois autres personnes, membres de la famille et du mari, ont été aussi arrêtées pour enquête. Ils étaient avec la victime jusqu'à 10 heures du matin, selon le chef de colline Bulamata. Toujours page de sécurité de personnes mortes et 27 autres blessés, tous ressortissants de la province scolaire Kayanza. Tel est le bilan de l'accident du véhicule de type Fuso survenu l'après-midi de ce dimanche quand il transportait ces personnes en provenance de la province Chibitoke dans un tournoi de jeu de football dit de l'Espérance. La direction provinciale tranquillise les proches des personnes blessées que l'état de santé de leurs enfants s'améliore bien là où ils sont hospitalisés pour subir des soins médicaux à l'hôpital Kayanza. Radio Isanganiro, chronique sport. Chronique sportive à présent, les académies des sports doivent avoir leur propre terrain, mais aussi les experts chargés d'encadrer et les joueurs qui évaluent dans ces académies. Laurent Ndimana, directeur des sports au sein du ministère ayant le sport dans ses attributions, fait savoir que les joueurs commencent à apprendre dans les académies dès le bas âge, à partir de 5 à 6 ans. Les détails avec Marie-Claire Cazeneza. Pour homologuer une académie de sport, on doit tenir compte de l'existence des experts sportifs et les équipements sportifs en quantité suffisante. Propos de Laurent Zeimana, directeur des sports au sein du ministère ayant le sport dans ses attributions. Beaucoup de paramètres qui doivent être dans la danse pour pouvoir être homologués ou appelés, acceptés comme une académie. Tenez, dans une académie de sport, il devrait y avoir des experts, des entraîneurs formés et en quantité suffisante, des arbitres même, des psychologues, des médecins, des équipements au complet, diversifiés, une gymnase, une piscine pourquoi pas, une salle de fitness, de musculation, bref, tout un village. Un village parce qu'il y a même ces gens qui suivent l'académie ou l'école, ils sont internés, ils vivent à l'internat, ils ne mangent que ça, je peux dire. Mais aussi, les soirs, on visualise les images, on voit les gestes techniques, comment on explique en long et en large comment se fait cette technique pour que l'enfant puisse répéter, puisse imiter ainsi, après une semaine, deux semaines, trois semaines, pour que ça aboutisse là où cela doit aboutir, parce qu'on en a répété une, deux, trois, quatre fois, cinq fois. C'est pour dire que être dans une académie, tu as tout le temps suffisant pour pouvoir vous familiariser avec l'engin qui est une balle, qui est un partenaire au niveau des arts martiaux. Il ajoute qu'un enfant qui a évolué dans une académie sportive est capable de jouer de façon professionnelle suite aux techniques apprises dans cette académie. La différence est très nette lors des démonstrations sur le terrain. Un enfant qui a évolué dans une académie et qui a suivi scrupuleusement les consignes ou les enseignements de l'éducateur ou du coach, tu le vois même quand il s'exhibe techniquement, il est à l'aise, mais aussi le physique s'impose parce qu'on a tout le temps de faire une maçonnerie appropriée. Ainsi, c'est un joueur qui est équilibré, c'est un joueur qui, si tu veux bien, discipliné, parce que dans cette académie, on leur dit que la discipline est de rigueur et au finish, c'est quelqu'un qui doit maîtriser ses émotions. C'est pourquoi il est rare que les gens qui ont fait l'académie se bagarrent sur le terrain. Parce qu'il y a des consignes d'or qui sont donnés par les enseignants ou les éducateurs pour pouvoir maîtriser ses émotions ainsi, ou locales, ou régionales, ou internationales. Ce directeur des sports au ministère ayant le sport dans ses attributions indique que les joueurs formés au sein des académies sont le plus souvent sélectionnés dans les équipes nationales. Moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi le Cameroun est toujours parmi les finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations au football? Pourquoi les pays comme la Côte d'Ivoire sont les mêmes qui reviennent? Pourquoi le Sénégal? C'est parce que je ne doute pas que dans leur pays, c'est plein d'académies de sport, c'est plein d'académies de football qui passent tout le temps à apprendre, à répéter et après X temps, 10 ans, ces joueurs sont sélectionnés pour l'équipe nationale ou recrutés par des clubs européens. Ils se démarquent là-bas, ils reviennent en force pour renforcer leurs équipes nationales. C'est pourquoi je vous dis que le niveau du sport au niveau national se voit rehaussé, se voit amélioré. Mais le niveau est satisfaisant. Dans la prochaine chronique sportive, Laurent Deimana expliquera les conséquences qui freinent le développement des académies sportives au Burundi ainsi que les recommandations qui peuvent contribuer au bon fonctionnement de ces académies. Page éducation à présent, le manque d'électricité, insuffisance d'enseignants, tels sont les problèmes qui hantent l'école technique secondaire de Lubabo de la commune Guiharo en province d'Outana. Selon le directeur de cette école, les élèves éprouvent des manquements par rapport à la compréhension de la matière enseignée, regrette-t-il, et demande à ce que l'école soit dotée d'électricité et des enseignants en suffisance. Depuis l'Outana, Venuste Nilamaga. L'été si Rubaho se trouve sur la colline Butezi de la commune Guiharo en province de Rutana, il a débuté ses activités en 2016. Il a initié les sections d'électricité industrielle. Selon le directeur de cette école, M. Kassien Dikoumana, cette école éprouve des problèmes liés à l'insuffisance d'enseignants et au manque d'électricité. Quand vient le moment des travaux pratiques, expliqué au directeur, l'école fait recours aux équipements de la Sesumo qui se trouve à plus de 20 km de l'école. Cette situation, selon lui, perturbe le programme scolaire. Il demande à ce que l'école ait de l'électricité et des matériaux didactiques. Il demandait aussi des enseignants suffisants car jusqu'alors, cette école ne possédait que 3 enseignants. Au niveau de la direction provinciale d'enseignement, Simeon Genzeworo qui en assure la direction tranquillise les habitants de Guiharo en général et les élèves de l'été Silvaro en particulier, que leurs doléances sont déjà connues. Il fait savoir que la question a été transmise aux autorités habilitées et que le devis pour la direction de l'électricité à cette zone a été déjà établi malgré multiples problèmes. Dans cette école, les résultats des élèves sont satisfaisants car, selon le directeur, les élèves ont réussi à plus de 70% l'année passée. Depuis Rutana, Venice Ntiramaga, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page économie, une enveloppe de 48 milliards de francs bourg et le coût estimatif nécessaire pour la mise en œuvre du plan communal de développement communautaire PCDC 3e génération 2020-2025. Le document de ce plan repose sur 4 axes, dont celui du renforcement de la gouvernance locale, la justice, la cohésion sociale et l'équité. Il est prévu que les confessions religieuses et organisations non gouvernementales œuvrant en commune Mukadza appuient pour la réussite de ce plan. Le point avec Mireille Kanyang. Et se compte à 240 les confessions religieuses, mosquées et ONG œuvrant dans cette commune. Les contributeurs à la mise en œuvre de ce plan communal de développement communautaire de 3e génération, récemment rendu public, vont de la commune Mukaza, la population, les partenaires techniques et financiers, à la contribution de l'État. C'est un plan reposant sur 4 axes, à savoir le développement des infrastructures d'appui à la production et d'autres secteurs porteurs de croissance, la promotion du capital humain par l'éducation, le sport et la culture, l'emploi de la jeunesse et le dividende démographique. Il y a également la gestion durable de l'environnement et adaptation au changement climatique, ainsi que le renforcement de la gouvernance locale, la justice, la cohésion sociale et l'équité. Selon ce document et ce basant sur le recensement général de la population de 2008, la commune Mukaza compte plus de 123 000 habitants, alors que la capitale Bujumbura comptait près de 480 000 habitants. La commune Mukaza compte 4 zones, à savoir Rohiro, Nyakabiga, Buyenze et Bwiza. Dans nos éditions ultérieures, on vous parlera de l'attribution des marchés publics et le suivi en vue de la transparence, un principe qui devra être de rigueur selon l'administrateur communal de Mukaza, qui ajoute qu'au 15 juin de cette année, un seul fichier des priorités de ce plan sera porté à la connaissance des intervenants dans ce PCDC de 3e génération. Merci Mireille Kanyange. Page environnement, certaines rivières du sud de la mairie de Bujumbura sont protégées à l'occasion de la célébration de la journée mondiale d'action pour les rivières. Nos reporters ont trouvé ce lundi des travaux de stabilisation des rivières comme celle de Moura en cours. Côté rivière Kanyosha, les habitants du quartier Kibenga demandent plutôt l'érection du pont à côté de la stabilisation des berges de cette rivière qui parfois se déverse dans leur maison d'habitation, Elinibel Nibigira. Sur la rivière Moura, de même que sur la petite rivière traversant l'Institut militaire ISCAM, les travaux de protection de ces rivières sont en cours, réalisés par le Bourra selon les pancartes sur le chantier. Cependant, sur la petite rivière d'Omimba, entre la première et la deuxième avenue à Moussaga, l'on voit qu'il y a une partie où l'on dépose les immondices. Mais cet habitant dit que la population a planté des bambous en vue de protéger les rives de cette petite rivière. Nous sommes protégés par les bambous que nous avons plantés. C'est très important. Les bergers sont soutenus s'il y a des bambous. Moi, je vis ici depuis plus de 50 ans. Quand j'ai vu les dégâts de la rivière, j'ai planté des bambous. Aujourd'hui, je n'ai aucun problème, voire mes voisins. Sur la rivière Kanyosha, une partie sert de dépotoir sauvage, mais l'on voit aussi de grosses pierres qui ralentissent la vitesse de l'eau. Sur la partie qui divise Kibenga de Kinindo et Gisio de Kanyosha, à part les exploitants de sable, l'on voit aussi des gens qui attendent les personnes à transporter sur le dos. Cette fille trouve qu'à part le soutènement des berges de cette rivière qui cause parfois des dégâts dans les maisons d'habitation, il fallait aussi un pont. Quand cette rivière déborde, elle envahit les maisons. Elle empêche aussi les gens de traverser. Si ça continue comme ça, on peut enregistrer d'autres dégâts. Nous n'avons pas de pont, donc nous demandons la construction du pont reliant Kanyosha et Kibenga. Il faut construire une infrastructure forte pour empêcher les eaux de déborder. La Journée internationale de l'action pour les rivières a été célébrée depuis le 14 mars 1997. Revenons sur la page société. Le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, précise que la mesure de limiter l'espace de circulation des motos, vélos et bajaj, et tuk-tuk plutôt en ville, est incontournable. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, l'a dit lors d'une rencontre avec la population de la province Muyinga vendredi dernier. Il a expliqué que c'est dans l'optique de garder les villes propres, éviter le désordre et les accidents routiers. Suivez le chef de l'État, traduit en français par Jean-Marie Mayonga. Nous avons déjà entamé les travaux de réhabilitation des villes. Nous avons besoin d'avoir des propres villes, car si tu veux un pays qui est beau, il faut que ce pays ait une belle image qui attire les gens. Si tu vis dans un pays où s'observe des désordres, personne ne peut l'aimer. C'est comme si tu as un pays pauvre et qui ne produit pas. Comment les investisseurs pourront investir dans ce pays? Nous devons éviter le désordre et faire des constructions suivant les normes. Nous avons dit ces motos et bajaj en ville, il faut les enlever. Et la population a crié. Les accidents routiers sont nombreux. Plus de 30 personnes meurent par semaine à cause du désordre en ville. Que j'accepte que ces personnes continuent à mourir alors qu'elles ne sont pas en guerre à cause de ce désordre. Tu dis, toi tu as mangé, mais que les autres meurent. Pourquoi ne pas penser à la vie des autres? À cet orphelin qui vient de perdre son parent à cause de ces accidents. Pensez aux autres. Les accidents sont nombreux. Quel est l'investisseur qui viendra investir dans un pays où règne du désordre? Nous voulons faire du bien et les autres ne le veulent pas. Nous allons travailler avec les investisseurs étrangers qui nous ont demandé de les préparer 60 km². Ils veulent que chaque ville soit propre dans toutes les provinces. C'est le projet appelé Smart City. Un exemple typique, comme ici à Muyinga, nous allons tout faire pour ériger de belles constructions, des maisons et de bonnes routes qui relient les villes des autoroutes. À 13h15, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Eddie Kadogo pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Ornella Moutrou et notre rendez-vous est fixé à 18h pour l'édition de la soirée.